الحمد لله معز الإسلام بنصره، ومذل الشرك بقهره، ومستدرج الكافرين بمكره، الذي جعل الأيام دولا بعدله. والصلاة والسلام على من أعلى منار الإسلام بسيفه، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. صلوات ربي وسلامه عليه، الذي تركنا على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أحبتي الكرام، حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم. أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, on continue cette série de cours-là, cette série de cours où on parle sur Fardiyat al-Jihad, quand est-ce que le Jihad devient une obligation individuelle, et al-Khilafa, comment on établit cette Khilafa, et quelles sont les conditions qu'il faut pour cette Khilafa, quel est l'avis des savants sur la question du Jihad. Et quand est-ce que il devient obligatoire? Donc, on continue bismillah. On avait vu que dans la précédente séance, on avait vu quand est-ce qu'il devenait obligatoire. On continue avec madhhab al-Hanabila. Madhhab al-Hanabila, comme ça a été rapporté par Ibn Qudama dans le Mughni, il a dit le jihad devient fard ayn dans les trois situations suivantes. Si la première, si les deux camps se voient dans la bataille et ils se rapprochent. La deuxième, si les mécréants entrent dans un territoire musulman, le jihad devient fard'ain pour la population. Troisième situation, si l'imam appelle un peuple musulman à se lancer au combat. Donc, les trois. Donc, il a dit quoi? J'ai affirmé, l'Ibn Qudama, rahimahullah, ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع إذا التقى الزحفان وتقارب الصفان. هذه المرحلة الأولى، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم. الوجه الثالث، إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير. Donc c'est le troisième, si l'imam appelle un peuple à se lancer au combat, ils doivent se lancer. Ils doivent se lancer. وَقَالَ إِبْنُ عَابِدِينَ قَالَ إِبْنُ عَابِدِينَ وَهُوَ مِنَ الْحَنَابِلَةِ قَالَ فَوَفَرْضُ الْعَيْنِ إِنْ هَجَمَ الْعَدُوُ عَلَى ثَغْرٍ مِنْ ثُغُورِ الْإِسْلَامِ فَيَصِيرُ فَرْضًا عَيْنِيًا عَلَى مَنْ قَرُبَ مِنْهُمْ فأما من وراءهم ببعد من العدو فهو فرض كفائي إذا لم يحتاجوا إليهم فإن احتيج إليهم بأن عجز من كان بقرب العدو عن المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنها ولكنهم تكاسلوا ولم يجاهدوا فإنه يفترض على من يليهم فرضا عينيا كالصلاة والصوم لا يسعهم تركه وثم إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا على هذا التدريج. Donc ici Ibn al-Abidin il dit quoi dans il dit le jihad devient fard ayn si l'ennemi attaque une des frontières des musulmans, pas un pays, il a dit une frontière, Donc il a dit une frontière des musulmans. Et il devient également fard ayn pour ceux qui sont proches. Il dit ensuite pour ceux qui sont lointains, c'est un fard kifaya, une obligation pour un groupe et pas pour l'autre. D'accord? Quand leur aide n'est pas exigée. Par contre, il dit, par contre, si elle est indispensable parce que les musulmans proches ne peuvent pas résister seuls à l'ennemi ou parce qu'ils sont mutakassilin, ils sont fainéants et n'accomplissent pas le jihad. Ici, tu dis le jihad devient alors obligatoire pour ceux qui sont derrière eux, à l'exemple de l'obligation de la prière et du jeûne. C'est-à-dire, c'est une obligation pour chaque individu. D'accord? Il n'y a aucun prétexte pour qu'ils laissent le jihad. S'ils sont aussi incapables, le jihad devient alors fard-ayn pour ceux qui sont encore derrière, et ainsi de suite, jusqu'à que le jihad devienne fard-ayn concernant toute la communauté, toute la umma de l'islam, de l'Est et de l'Ouest. هذه في حاشية ابن عابدين. المجلد الثالث صفحة 238. D'accord? Ensuite, on a l'avis du Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi. قال في فتاواه المجلد السابع صفحة 335. Donc, comme il y a des طلاب علم qui notent, قال الشيخ ابن باز رحمه الله عليه سبق أن بينا أكثر من مرة أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين وعلى جميع المسلمين أن يجاهدوا في نصرة إخوانهم بالنفس والمال والسلاح والدعوة والمشورة فإذا خرج منهم من يكفي فإذا خرج منهم من يكفي سلم الجميع من الإثم وإذا ensuite qu'est-ce qu'il dit وإذا تركوه كلهم أثموا جميعا. Donc, ce qui est important, c'est ce qu'il dit à la fin. Au début, il dit, avant, on a montré comme quoi le jihad, il était fard kifaya. Et non fard ayn, il était fard kifaya. Wa ala jami' al-muslimin an yujahidu fi nasr ikhwanihim. Mais que les musulmans doivent aider leurs frères. Doivent combattre pour aider leurs frères. Avec quoi? Avec leur âme, avec leur argent, avec des armes, avec da'wa et avec le mashoura. Ensuite, il dit, fa'idha kharaja minhum man yakfi. S'il y a suffisamment d'hommes qui sortent pour combattre, salim al-jami' min al-ithm. Les autres n'auront pas de péché. C'est-à-dire ceux qui sont restés, ils n'auront pas de péché. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Wa'idha tarakuhu kulluhum athimu jami'an. Et si tous ils délaissent le jihad, ils auront tous un péché. Ensuite, il dit quoi? فعلى المسلمين في المملكة وإفريقيا والمغرب وغيرها أن يبذلوا طاقتهم والأقرب فالأقرب فإذا حصلت الكفاية من دولة أو دولتين أو ثلاثة وأكثر سقط عن الباقين. Il te dit, il est l'obligation en Afrique, au Maroc, في المغرب وغيرها أن يبذلوا طاقتهم. Ils doivent faire le maximum et le plus proche, du plus proche au plus proche. Du pays en guerre, du pays où l'ennemi est rentré. S'il y a suffisamment d'hommes qui y vont, d'un pays ou de deux pays ou de trois pays ou plus, ben, ça n'incombe pas aux autres. D'accord? Donc ils ont droit d'être secourus. والواجب مساعدتهم ضد عدوهم. Il est obligatoire de les aider contre leur ennemi. Parce qu'ils sont. Parce qu'on a commis de l'injustice envers eux. Wallahu amara bil jihadi lil jami'i. Allah Azza wa Jalla, il a ordonné de faire le jihad. Il a ordonné tout le monde de faire le jihad. Wa alayhim an yujahidu didda a'da'illahi hatta yansuru ikhwanahum. Et ils doivent combattre fi sabilillah pour faire triompher leurs frères. Wa idha taraku dhalika athimu. Et s'ils délaissent ça, ils auront récolté des péchés. Et si y a suffisamment, mais ici on voit bien qu'il n'y a pas suffisamment d'hommes, il n'y a pas suffisamment de mujahidin, donc il faut y aller, il faut combattre auprès de ses frères des mujahidin pour leur porter secours et faire élever la parole de la ilaha illallah. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, celui qui combat pour faire lever la parole de la ilaha illallah, il est dans le sentier d'Allah. Quand il a été demandé, qui est mort, shahid, il dit, shahid, wa alladhi yuqatilu li'ila'i kalimatillah, litakuna kalimatullahi hiya al-ulya. Et quand on a demandé à Sayyid Qutb, rahimatullahi alayh, on lui a dit, voici quoi le shahid? Il a dit des paroles en or qui doivent être écrites avec l'eau des yeux, avec les larmes, pas avec de l'or. Des paroles, c'est plus que de l'or. Subhanallah, il a dit, le shahid, c'est celui qui. الشهيد هو من شهد أن دين الله عز وجل أغلى من ماله ونفسه وبرهن على ذلك أن قدمهما في سبيل الله. Il a dit le martyr, c'est celui qui témoigne comme quoi la religion d'Allah Azza wa Jal est plus chère que son âme et son argent et ses biens, et qui traduit cette shahada, qui traduit ce témoignage par quoi? Par le fait de présenter tout ce qu'il possède pour le sentier d'Allah Azzawajal. Wa barahana ala dhalika an qaddamahuma fi sabili illah, présenté dans le sentier d'Allah Azzawajal. Hada huwa ash-shahid. Ça, c'est lui, c'est ça le shahid, l'explication du shahid. Et on a l'histoire de Az-Zuhri. Donc Az-Zuhri, rahmatullahi alayhi, il raconte que kharaja qala Az-Zuhri kharaja Sa'id ibn al-Musayyib إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه فقيل له إنك عليل فقال استنفر الله الخفيف والثقيل فإن لم يمكنني الحرب كثرت السواد وحافظت المتاع. سبحان الله ici الزهري يجي سعيد ابن المسيب est sorti faire le jihad alors qu'il avait perdu un œil. On lui a dit tu es malade, t'as une autorisation de pas faire le jihad. T'as perdu un œil, tu peux rester. Allah t'a pas. Il a répondu quoi? Il a répondu, Allah a appelé. Allah a interpellé les légers, entre guillemets, et les lourds. Si je n'arrive pas à combattre, je suis là pour augmenter le nombre des musulmans et garder leurs affaires. Je suis là pour augmenter le nombre de musulmans et garder leurs affaires. Alors qu'il avait perdu un œil. Quand il a dit, Allah istanfara. Allah istanfara al-khafifa wa al-thaqil. Il fait allusion à quoi? Il fait allusion au verset où Allah Azza wa Jal il dit infiru khifafan wa thiqala. Il dit Allah istanfara al-khafifa wa al-thaqil. Allah Azza wa Jal il a dit oui c'est vrai, il a dit infiru khifafan wa thiqala. Comme le mufassirun il a dit khifafan ay shubban wa thiqala ay kuhula. Yani âgé. D'accord? وإذا جئ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Donc Allah Azza wa Jalla avait appelé انفروا خفافا وثقالا. Léger ou lourd, lancez-vous au combat et luttez avec vos biens et vos personnes dans le sentier d'Allah. Cela est meilleur pour vous si vous saviez. Surat Tawba, verset 41. D'accord? Mais subhanallah, pourquoi lui ont dit ouais? On lui a dit, Allah Azza wa Jal, t'es malade, t'as une autorisation. Et c'est vrai qu'il a une autorisation. Allah Azza wa Jal a dit, laisse ala al-du'afa'i wa la ala al-marda wa ala al-ladina la yajiduna ma yunfiquna haraja idha nasahu lillahi wa rasulihi. T'as d'autres versets. Donc, il est les gens qui sont malades, les gens qui sont faibles, ils ont une autorisation de pas faire le jihad. Il leur incombe pas. Donc, Ibn Hajar, ta'liqan ala kalam al-Zuhri, وعلى فعل سعيد بن المسيب كيف كي لاجي الى جي وقد فهم بعض الصحابه من الامر في قول الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا العموم فلم يكونوا يتخلفون عن الغزو حتى ماتوا منهم ابو ايوب الانصاري والمقداد بن الاسود وغيرهم رضي الله عنهم وهذا كلام ابن حجر في فتح الباري الى جي سا الى جي que certains sahaba ils ont compris de la parole d'Allah عز وجل lourd et léger, lancez-vous au combat. Ils ont compris que c'était général, que c'était pas spécifique pour les gens qui sont en bonne santé. Ils ont entendu léger ou lourd, lancez-vous au combat. Donc, et luttez avec vos biens. Donc, ils ont appliqué ce verset. Donc, ils ne laissaient pas une bataille sans qu'ils combattent. À chaque fois qu'il y avait une bataille, ils combattaient. Jusqu'à ce qu'ils aient été tués. Et parmi eux, Ibn Hajar, il dit, ah, parmi eux, il y avait qui? Il y avait Abu Ayyub al-Ansari, il y avait Abu Ayyub al-Ansari, il y avait le Miqdad ibn al-Aswad, et d'autres sahaba, radiyallahu anhum. Hein? Donc, ça c'est par rapport à l'histoire de Saïd ibn al-Musayyib, comme quoi il avait perdu un œil, et il sortait faire le combat. Il disait même, si je suis là pour augmenter le nombre, taktirus sawad, je suis là pour augmenter le nombre de musulmans. Bidnillah, nous allons voir la façon dans laquelle Khalifat al-Mu'minin est mise en place, comment il est mis en place et quelles sont les conditions. قيل أنها ثلاثة وقيل أنها سبعة كما قال الماوردي رحمة الله عليه. الاستخلاف إما بأن يستخلف الخليفة رجلا بعده أو يستخلف جماعة تختار من بينها الخليفة الجديد، يعني كما فعل عثمان رضي الله عنه وعلي، وكما فعل النبي عليه الصلاة والسلام استخلف أبو بكر رضي الله عنه الاستخلاف، إما بأن يستخلف الخليفة رجلا بعده، إما ثانيا بيعة أهل الحل والعقد لرجل تتوفر فيه شروط الخلافة. دونك لا دوزيام فاصون pour mettre un خليف سي كوا سي كو لي جون كوم اون دي لي جون دو لا سوليسيون اي دو كونترا. Les gens de la solution et du pacte, si on peut traduire l'acte par pacte ou contrat. Bay'atu ahli al-hal wa al-'aqd lirajulin tatawaffaru fihi shurut. Donc il a les conditions pour qu'il soit calife. Donc ces gens-là qui mettent en place ce calife. Après, on a des shurut par rapport à celui qui vient par rapport à celui qui fait calife. Il y a des conditions. Et bien, alhamdoulilah, notre calife aujourd'hui, Abou Bakr al-Baghdadi, il a les conditions que les savants ont citées. Il y en a qui disent Hada khalifatun batil, hada khalifatun wahmi, hada khalifatun kada, hada khalifatun kada, yutabbiluna wa yuzagritun wa ma adri. Wallah, hada khalifatun shar'i, mada turidun? Mada turidun? Yuqimu al-hudud. حدود السرقة، حدود شرب الخمر، حدود الزنا، يقيم دين الله عز وجل، وحد وإقامة حد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إقامة حد من حدود الله خير من الدنيا وما فيها. يعني لو فات دابليكي اون سونتونس ان جوجمون دالله عز وجل سور تيغ فو ميو كو تو سكي سور تيغ. فوز ايماجيني سبحان الله. دونك la première des conditions pour qu'une personne soit calife, il faut qu'il soit musulman, bien sûr. Donc ça, c'est la première condition, il faut qu'il soit musulman. Ensuite, on a le deuxième, bon, le dalil pour qu'il soit musulman, « Ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum »« Ayy min al-muslimin » La deuxième des conditions, c'est qu'il soit « Qurashi »« Min Quraysh » Ça, c'est la deuxième condition. La troisième des conditions, c'est que un yakuna muqim al-din. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi muqim al-din? Ça veut dire que il met en pratique la religion, il met en pratique les ordres d'Allah Azza wa Jal, il met en pratique la sharia. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui bi-idhnillah wa bi-fadlillah wa mannih. Walhamdulillah ala ni'mati al-islam walhamdulillah ala ni'mati al-jihad wal-'izz wal-fida'. والحمد لله. دليل هذين الشرطين قول النبي عليه الصلاة والسلام، أي شرط إقامة الدين وأن يكون قرشيا، دليل قوله عليه الصلاة والسلام الأمراء من قريش ما أقاموا الدين. هذين الشرطين، وبهذه الشروط الثلاثة تتم البيعة الشرعية، وقد تقدم لك ما بايع عليه الصحابة رضي الله عنهم النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه هي البيعة التي جاء الوعيد الشديد على من لم يفعلها. دونك البيعة يعني بوختي أليجانس، ونا دي حديث كي بارل سور سا كوم دان لا بارول دو بروفيت عليه الصلاة والسلام كي جي من خلع يدا عن طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية. رواه مسلم. Prophète عليه الصلاة والسلام, il dit, celui qui tourne le dos, qui désobéit à son calife, il rencontrera Allah Azza wa Jal le jour de résurrection sans hujja, sans preuve pour lui. Et celui qui meurt et qui n'a pas à son cou une allégeance, il sera mort une mort d'ignorance. Il sera mort une mort, s'il meurt, il sera mort avec une mort d'ignorance. Donc, daruri min al-bay'a, c'est une obligation. D'accord? Wal amr al-akhar fi al-bay'a la budda nass 'ala dhalika ba'd al-ulama. نص على ذلك بعض العلماء قالوا أن لا أن أنه لابد لها من ماذا؟ بصفقة يد وثمرة القلب, أي ماذا؟ أي بطوع واختيار وطيب نفس, أي أن لا ترغم عليه وأن تصافحه. ودليل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام, ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه, حيث رواه مسلم, وثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع, فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. D'accord, ici, le prophète عليه الصلاة والسلام, il a dit, celui qui porte allégeance à une personne, qui lui serre la main, qui lui donne une poignée de main, et qui lui donne ثمرة قلبه, qui lui donne son cœur. D'accord? فليطيعه إن استطاع, qui lui obéit tant qu'il peut. Et si quelqu'un d'autre vient pour l'enlever et venir à sa place, taper celui qui veut venir à sa place, taper son cou. Tuez-le. Donc, on ne peut pas avoir deux califes. D'accord? On ne peut pas avoir deux califes. Donc, cette quatrième condition, c'est serrer la main, c'est une condition que certains ulama ont mis comme condition pour porter allégeance. D'accord? Et aujourd'hui, on regarde les dirigeants des musulmans dans des pays, comment ils sont arrivés au hukm? Ils ont pris le hukm, ils dirigent les musulmans avec un moulk, comme j'ai dit dans le premier auparavant. Ils ont pris le moulk, ils ont dirigé les musulmans avec un moulk jabri. Alladhi laysa mabniyan ala bay'a, qui n'a pas été instauré selon une allégeance de musulmans. Et c'est soit ils étaient les fils de Moulou qui sont arrivés au hukm comme ça. Et wa qad khalafa ash-shar' Allah azza wa jalla fi 'iddat umur. Il est parti à l'encontre de plusieurs règles de jurisprudence et de shara. D'accord? La première, déjà, ces gens qui dirigent les musulmans, ils ne sont pas de Quraysh. Je vois comment le roi du Maroc va être de Quraysh. La deuxième, mukhalafa, ça c'est la première mukhalafa. La deuxième mukhalafa, annahum la yuqimun ad-din. La deuxième mukhalafa, c'est quoi? C'est qu'ils n'appliquent pas les lois d'Allah Azza wa Jalla. Au contraire, بل يهدمونه ويحاربون أهله ويحاربون المتوضئين الطاهرين ويحبسونهم في السجون ويقاتلونهم ويقتلونهم Donc ils anéantissent la religion, ils combattent les mujahidines, ils combattent les musulmans, ils combattent des gens qui sont purs, qui sont pieux. نحسبهم والله حسيبهم. Ils combattent, ils détruisent la religion, ils combattent la religion, ils se mettent dans les rangs des Mursaddin, des Kuffar, et ils suivent leurs lois. Ça c'est la deuxième chose. La quatrième chose, أنهم لا يأخذون البيع من رعيتهم بصفقة يد ونصرة القلب وطوعه واختياره بل بالجبر والقهر. En plus de ça, ils ne prennent pas le bay'a avec une poignée de main. Donc ils avaient, en fait, c'est par force, ils ont pris le hukm, ils ont pris leur trône avec force. Et avec ces trois, juste avec ces trois choses, tu vois bien que pas une obligation de leur porter allégeance et de les écouter. pas une obligation. Donc, بهذا تعرف عدم وجوب بيعاتهم وطاعتهم. Faut pas leur, il y a pas de bay'a, tu les vois, ils se prosternent pour leur roi là, pour faire allégeance. Où t'as vu ça? Où on a vu qu'on se prosternait pour un être vivant qui a été créé tout comme moi et comme toi? Tu te prosternes pour lui, tu te prosternes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu t'inclines pour Allah subhanahu wa ta'ala. Où on adorait les êtres humains au jour d'aujourd'hui? D'accord? دونك نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ونكونتينيوغا إن شاء الله عز وجل دان بروشين كور افيك الإمامة الكبرى والصغرى كيف تنال بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.